de la vie, toujours, c'est intéressant. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Est-ce que tout le monde m'entend ? Oui. C'est bon, en termes de son. Donc pour cette table ronde autour de Pierre Molinier et le vrai contemporain, dans le cadre de la caserne de l'égalité, de la diversité et de la citoyenneté de la ville de Bordeaux, également dans le cadre de l'exposition de Meryl Lévis, accompagnée de six œuvres de Pierre Molinier de la collection du FRAC Nouvelle-Aquitaine, qui nous fait le grand privilège de nous prêter ses œuvres le temps de l'exposition. Et également, on est très fiers de pouvoir inviter d'éminentes et éminents intervenants sur Pierre Molinier, sur le drag contemporain. Et très bonne table ronde. Vous aurez peut-être un temps d'échange après la table ronde avec les différents intervenants, si vous avez des questions. Je vais les présenter rapidement. Dominique Roland, enfant du pays, Libournais, je crois, qui nous fait l'aimable plaisir d'être présent pour cette table ronde, qui est directeur du Centre d'art d'Enghien-les-Bains et qui, depuis 13 ans, près de 13 ans, travaille avec l'héritière, notamment pour la réalisation du documentaire « Les jambes de Saint-Pierre ». Aurélie Martinez, qui est artiste-chercheuse à l'Université Bordeaux-Montaigne, qui est docteur en art, qui travaille depuis, notamment sur sa thèse sur Pierre Molinier, et qui allie à la fois dans sa recherche la question du monstrueux, l'image des monstres ou des images monstrueuses dans sa recherche et dans sa pratique. Murmure, qui nous fait aussi le plaisir d'être là pour représenter, peut-être la communauté drag et ce discours travaillé, pas sur, mais avec les personnes drag sur ces questions, et qui est une créature, je vais exactement dire la petite description, qui est une créature de drag à l'allure fantastique, qui nous invite dans un univers surnaturel ou en couleur à Bordeaux. Et Margot Rero, qui est doctorante à l'Université Bordeaux-Montaigne, qui fait sa recherche en théâtre avec une thèse, je ne veux pas la défleurer complètement sa thèse, mais je vais donner l'intitulé exact, qui est... Je peux le dire. Vas-y, si tu veux. Ouais, c'est tout simple, c'est à la frontière des genres quand les drag queens réinventent le spectaculaire. Merci de ta présence. Merci. Et elle s'occupera de la modération de cette table ronde. Et Bernard Laffa, qui devait être là à un impératif familial, donc il ne peut pas être là, mais je peux lui faire hanter cette table ronde à travers un texte qu'il a écrit dans le cadre du livret d'exposition, de l'exposition monographique qu'il y a eu sur Pierre Molinier aux Beaux-Arts, à la Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux, avec un test où il parlait du lien entre le drag, le queen et Pierre Molinier, le chaman. C'est ainsi qu'à la fin des années 60, Pierre Molinier fit son apparition dans une layette rose noire de chaman drag queen et king, habile à frioler les esprits d'ancêtres de tout genre, grâce à un certain nombre de rituels d'apprêt, de fétiches, de vêtures, de postiches, de poupées, de loups, de masques et de postures, dont tout particulièrement choisis pour leur vertu érotique, le devenir chaman drag de l'artiste bordelais est tout aussi ardu que celui des chamans Berdash, Ijram, c'est un peu dur à dire, Kwanlu Twalol ou Gevedosh, qui sont les faveurs des anthropologues, la mise en scène longue et complexe. Merci de votre présence et bonne table ronde. À toi. Merci. Merci beaucoup. Moi, je suis ravie de participer à cet événement, sachant que j'avoue que je connaissais peu, voire mal, le travail de Pierre Molinier. Comme l'a dit Pierre-Antoine, je viens des arts du spectacle, et donc c'est vrai que je m'intéresse particulièrement à la mise en scène, à l'aspect performatif des œuvres d'art vivant, en l'occurrence. Et donc c'est vrai que dans le travail de Pierre Molinier, j'ai trouvé qu'il y avait un aspect... donc d'une part performatif, mais en tout cas je me suis pas mal intéressée sur le processus de création de Pierre Molinier, notamment par le biais de votre documentaire aussi, qui revient un petit peu sur la façon dont Pierre Molinier crée ses œuvres, Et donc, en fait, je pense que la première chose qu'on peut aborder, c'est effectivement ce processus de création-là. Est-ce qu'on peut même considérer les œuvres de Pierre Molinié comme des rituels ludiques? De quelle façon est-ce qu'il avait mis en place déjà un rituel? Est-ce qu'on peut parler de rituel? Est-ce que, voilà, dans le processus de création, peut-être que, Dominique, vous pouvez peut-être, étant donné que, oui, ou moi, ou Aurélie, mais je sais pas, enfin, un processus de création. Moi, je dirais, mais en fait, sa vie est un processus de création, étant donné qu'il incarnait le chaman, et qui, en fait, il a inventé ses créatures en découpant les corps, en photographiant d'abord des modèles, en se travestissant avec un masque de femme, voilà, il y a des prises de vue. Comment dire, c'était un mode de vie pour lui, un mode de vie par contre très intime. Maintenant, les drags donc, sont dans l'espace public ou dans des soirées, voilà. L'espace public pas trop, mais enfin, voilà, c'est vraiment dans l'actualité. Mais Pierre Molinié, quand il sortait dans la rue, il était habillé en homme. Il avait les sous-vêtements, et sans doute les parisilles et tout ce qui est pareillage dessous. Mais c'était dans son appartement où il recevait ses modèles, ses amants, ses maîtresses, etc. Et voilà, c'était quelque chose de clos. Voilà, je ne sais pas si je réponds un peu à la question, peut-être que je peux développer. Mais oui, je pense que l'appartement avait quelque chose de très important. En même temps, c'était important et en même temps, ça l'était moins parce que c'était toujours dans son appartement, si j'ai bien compris, que Pierre Molinié créait, en tout cas, ses montages, ses photographies, etc. Et donc, avec notamment l'intervention d'un paravent. Donc, il y a une certaine importance donnée, on va dire, à la scénographie aussi de ses œuvres. Et en même temps, c'est un lieu très quotidien, c'est son appartement, c'est l'endroit où il vivait. Donc, il y a quelque chose un peu de. Il a un peu ritualisé aussi son quotidien autour de ses œuvres. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, Molinié, c'est. Enfin, ce que j'en sais, pas grand-chose, mais c'est quelqu'un qui jusqu'aux après les années 40, 45, d'abord, Saint-Pain en bâtiment, il dit j'ai passé ma vie à décroter des murs pour être libre dans ma peinture. Ça, c'est le premier sujet avec Bordeaux. Le second sujet avec Bordeaux, c'est que, je dis devant d'éminents dramaturges, et par rapport à la question de l'art, c'est que Bordeaux, c'est une ville qui a tendance à... une ville qui a un peu englouti ses talents quelquefois, et en fait, qui n'est pas les fait émerger. Et Molinié, c'est quelqu'un qui, finalement, dont le nom n'est pas connu internationalement, mais les œuvres circulent. Parce qu'aujourd'hui, je recontextualise, Molinié, c'est Cindy Sherman qui collectionne Molinié, c'est Anish Kapoor, etc., etc. Donc, body art, l'époque où Molinié s'en foutait complètement, parce qu'il était à Bordeaux. La question que vous posez sur l'atelier, c'est parce qu'il n'avait pas le choix. Parce que Molinié, c'est un enfermement. D'abord parce que la question du transvestisme fétichiste, c'est le sujet quand même aussi, c'est que Molinié, il est au départ, il est avec une fille, un fils qui est mort, par un suicide, donc c'est quelque chose d'assez dramatique, et puis il y a une rupture de lien avec la société, parce qu'à un moment donné, après 48, après la libération, Molinié, les années 50, rupture de lien, il divorce, quitte sa femme, et l'atelier Saint-Pierre, qui est quand même l'atelier, si vous allez place de la Bourse, c'est l'endroit où son père, Molinié, était peintre, artisan peintre, parce que Molinié est né à Agen, rue La Boulevelle, artisan peintre, il a repris l'affaire de son père, et pour être libre dans sa peinture, il a commencé, il faisait du faux marbre à Bordeaux, parce qu'à l'époque, vous voyez, dans les années 20, à Bordeaux, c'est tous les magasins faisaient de la déco et donc ils faisaient des ensembliers, etc. Et finalement, cette peinture, à mon sens, parce que est discutable, ça c'est des sujets avec les galeristes, avec les amateurs d'art. Moi, la peinture de Molinié m'a jamais vraiment intéressé parce que la peinture de Molinié est intéressante en soi, mais c'est pas une peinture qui vous fait basculer dans un autre. Il y a Emmanuel, il y a tout ce que vous connaissez, ce que vous avez regardé sur Molinié. Mais finalement, ce sont ses photomontages. Parce que sa peinture, Gustave Moreau, Molly était très influencé par Gustave Moreau. Il mettait voir ça à Paris, alors les symbolistes, vous savez, de cette époque-là, les symbolistes, avec ces créatures qui sont sorties des temples hindous, etc., pour ce côté qui est la fin du 19e siècle. Vous allez sur l'atelier de Gustave Moreau, c'est très intéressant. Et Molière était là-dedans, et après expressionniste, et après il commence à avoir une rupture. Et la vraie rupture, c'est son divorce, où là, il laisse libre champ à ses fantasmes, à ses obsessions. Et c'est la question de, d'abord, quand on n'a pas un casting de gens qui viennent poser pour vous, au départ, vous faites avec vous. Ouais. Vous savez, c'est une histoire de comment transformer les revers en victoire. Il avait son atelier, il a commencé à avoir par ses poupées, son atelier, parce que moi j'ai retrouvé finalement avec Françoise Molinier, sa fille, qui a quitté d'ailleurs, qui est en Allemagne, qui vit encore en Allemagne, parce que c'est pas simple d'être fille de Pierre Molinier, quand même aussi, il faut assumer ça. Et c'est elle qui a découvert le corps. Alors moi, j'ai été au procureur de la République pour demander l'autorisation d'avoir accès aux archives de l'identité judiciaire pour avoir les photos du moment où Molinier est mort. Et qu'est-ce qu'on découvre? On est dans tous les poulets à Bordeaux, vous savez, au Castéja, à l'époque, la poulaille. Ils pensaient que c'était un suicide déguisé, c'était un meurtre, finalement, derrière un suicide. Et pensaient, parce que Molinier allongé, vous voyez, les bas, allongé sur le lit, et avec un colt. Alors Molinier aimait les armes. Là, il y a eu un incident qui lui a valu Castéja à Bordeaux, avec sa femme, parce qu'il a tiré en l'air, parce qu'il était jeune, pour tout sujet. Et le personnage était, si vous voulez, c'est un personnage dans notre époque, je pense qu'il aurait eu mal, hein. Parce qu'il était très colérique, ça je crois que tout le monde le raconte, et quand il est arrivé dans cet atelier, finalement il a rebâti finalement tout son univers, et son univers pour s'échapper, parce que la question, alors je ne veux pas aller au bout du sujet, parce que c'est un sujet qui commence, et après on continue à cheminer, mais la question du transvestisme fétichiste, pour lui, c'est l'art qui l'a sauvé, Molinier. Parce qu'à un moment donné, c'est l'enfermement. Parce que c'est spéculaire. C'est finalement, vous fantasmez, mais vous ne réalisez pas vos fantasmes tous les jours. Vous n'avez pas ceux avec qui. Et on venait plus par curiosité dans l'atelier de Molinier, pour se marrer. Ça intéressait par contre les étudiants. Alors, il y avait des voisins comme Donzel, un copain, enfin, des vieux de la veille qui étaient voisins de Molinier. Alors ils étaient fascinés, pensaient qu'il faisait des études à Bordeaux. Il y avait la copine de Donzel, Claire, on dit que Don Molinier dit c'est les plus belles jambes du monde. Et Claire, ils allaient, ils posaient, etc. Et lui, il découpait les jambes de Claire, il assemblait les jambes d'Alain et il composait un être. La question du transvestisme fétichiste, c'est aussi autour du corps partiel. Molinier, c'est quand même quelque chose. Le corps dans sa totalité, c'est effrayant. Le corps partiel, on commence à trouver quelque chose. Et si on regarde la bibliothèque de Molinier, parce que j'ai eu la chance d'avoir accès à la bibliothèque de Molinier, vous retrouvez quoi? Le tantrisme, l'art tibétain. Alors vous retrouvez quoi? Vous regardez bien, surtout les tantras, vous retrouvez des jambes. Donc vous avez des éléments d'influence. Mais Molinier n'était pas quelqu'un qui, intellectuellement, allait chercher dans ce que disait Breton, parce que Breton, il y a un malentendu au Breton. Alors ça, c'est avec d'autres, des discussions pas interminables, mais avec Breton, Molinier, finalement, ça commence par un malentendu. Parce que Breton arrive, on arrive à la période du surréalisme qui commence à être un peu au plafond, et finalement, Molinier, cette rencontre avec Breton fait que Breton s'intéresse à sa peinture, mais c'est un malentendu, parce que le vrai travail intéressant, c'est les photomontages de Molinier. Et Breton ne voulait pas voir tellement la photographie de Molinier, et donc, il commençait à avoir « Je t'aime moi non plus », et s'écrivent, la comtesse Midralgar, qui était une amie d'André Breton, Breton était fasciné plutôt par la peinture. Et cette, la photographie de Monnier, qui est vraiment le sujet le plus important, le plus abouti, parce qu'on arrive dans les années 60, enfin, avec tous les gens qui sont passés, Emmanuel Arsan, à qui j'ai écrit d'ailleurs, qui m'a dit « je vous mets un procès ». On ne parle pas de Monnier. Imaginez, quand je suis arrivé à l'identité judiciaire à Bordeaux, c'était avec des pincettes, on a les trucs. Si vous voulez, Bordeaux n'était pas forcément, c'était pas la joie de vouloir parler de ça. Et je me demande d'ailleurs comment il y a une place Monnier aujourd'hui. Enfin, on était très contents quand François Monnier m'a dit il y a une place Monnier à Bordeaux, qui n'est pas sur le même endroit, hein, à Saint-Pierre. Mais voilà, j'arrête là parce que le sujet est très, très intéressant, met en perspective beaucoup de choses, beaucoup de questionnements, hein, sur à la fois le contexte qui est Bordeaux par rapport à un personnage dont on retient aujourd'hui plus ses œuvres que lui-même dans ce paysage. Et pourtant, Pierre Monnier, dans ce qu'il raconte de lui aussi, il y a toute une transformation de soi aussi, une fiction qu'il met en place autour de... Parce qu'il racontait, alors enfin, sous votre... Notre correction peut-être, mais il racontait que notamment quand sa sœur est morte, il est allé voir, il s'est enfermé dans la chambre avec son cadavre et qu'il l'aurait pris en photo et qu'il se serait masturbé aussi sur son cadavre. Donc il raconte ça lors d'une émission de radio, je crois. Donc il raconte ça, il travaille tout, avec une sorte de récit de soi. La référence aux immortels. Mais oui. Il fabulait beaucoup. Vous voilà. En parler, parce que c'est... Non. Et ça faisait partie de son personnage, hein, de fabuler, de raconter des histoires, de voilà. Mais il se crée un personnage. Mais sa transformation de soi, la transformation de son identité, la duplication même parfois de son identité, passait par du coup une mise en récit. Mm-hmm. Et donc le fait que ces deux identités cohabitaient. Chez Molinier, mais en même temps, est-ce qu'on était dans deux identités distinctes ou finalement le Molinier photographié était comme une extension de soi aussi, pas forcément un autre que soi, mais une extension, parce que dans le drag aussi contemporain, on parle de persona, drag, en tout cas c'est la façon dont moi j'en parle personnellement, qui signifie parler à travers, et donc persona c'est un autre que soi. Bon, alors après, toujours faut-il savoir ce qu'est le soi. Est-ce que le soi, c'est l'identité est trouble, elle est instable. Mais en tout cas, on parle d'extension de soi, de personnage qui parle de soi, qui n'est pas forcément autre que soi. Et donc, ce qui est en lien aussi avec le travail que tu fais, et donc de drague, je pense que chez Molinier, il y avait vraiment deux identités, mais qui n'étaient pas forcément opposées. Et qu'il y avait une sorte d'extension, et il avait un dicton qui disait je suis né homme putain, donc comme si effectivement, comme vous disiez, son art lui a permis aussi de vivre, de sortir de l'enfermement, et de vivre une autre identité aussi, de sublimer des choses, parce que l'art c'est quand même une sortie qui est extraordinaire, parce que pour lui, parce que c'est vrai que tous les jours, parce qu'il a vécu autant avec Emmanuel Arsan, avec tous les gens avec qui il a vécu, la chose qui est importante chez Molinier, c'est que Molinier, tout son rapport, d'ailleurs il y a une psyché chez lui, le miroir c'est quand même quelque chose. Le miroir c'était l'excitation d'être un autre tout en étant lui-même. C'est ce qu'il dit, je n'invente rien. Ça c'est intéressant. À partir de là, c'est sentir qu'il y a un désir pour celui qui est soi-même. Extraordinaire. Vous imaginez, c'est androgyne, c'est le mythe de l'androgyne. C'est quand même le sujet premier chez Molinier. Et Molinier dit je suis lesbien. Voilà. Mais la question centrale, et ça c'est des questions avec Bouilly, hein, René Bouilly, qui était le directeur des Beaux-Arts, qui a connu Molinier à l'époque où il était à la Brigade des Mœurs à Bordeaux, hein, c'est. Il côtoyait Molinier tous les jours. Alors Molinier, il arrivait, quartier Saint-Pierre, il arrivait il arrivait dans un endroit et puis il s'habillait, vous savez, avec l'impair, puis il arrivait, il disait « Alors, t'es pour Tartel ?» Tout le monde effrayé dans les trucs, mais dans les librairies, les librairies de Saint-Pierre. Et c'est vrai que la question essentielle chez Monnier, c'est les jambes. C'est les jambes. Le sujet, c'est les jambes. C'est-à-dire que, voilà, Premier sujet, moi j'ai interviewé une nana qui à l'époque était étudiante, était venue chez Molinier. Alors il a dit, il était très courtois, très élégant. Enfin il disait, mais si tu veux, maintenant vous pouvez vous commencer, vous déshabiller, on peut commencer. Il passait à l'acte, il n'y avait aucun problème. Mais tout ça avec des précautions oratoires, de façon élégante, sans brutalité, vous voyez, c'est. Et il regarde et il dit. Des chaussettes. Porter des chaussettes. C'est dommage. Vous voyez, non, mais c'est quand même, c'est ça. Hein. Oui. C'est quand même le sujet, il est autour de questions. Je pense que la question essentielle chez Molinier, ce sont les jambes. Oui. Alors, chez Truffaut, vous savez, les femmes parcourent la terre de part en part, vous savez, comme des compas, etc. Et, hein, vous avez ça, ce sujet. Oui, là, le sujet des jambes des femmes, c'est un sujet énorme. Donc, à partir du moment. Il y a quelqu'un qui est très important et qui devrait être là, mais là, bon, je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles d'elle, c'est Bernadette Touba. Voilà, qui est cartomancienne, retirée dans une caravane, qui a été hébergée chez Molinier, à l'époque où elle arrivait, la pauvre des Charentes-Maritimes, vous savez, comme disaient certains à Bordeaux, on allait attraper pour recruter dans la police, on allait l'attraper en Charente au lasso. C'était pas des femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand Bernadette Aubin s'est dit, voilà, je suis pas un homme dans ce que mon identité veut exprimer, elle s'est réfugiée chez Molinier. Et Molinier ne l'a pas regardée comme un objet sexuel. Il l'a regardée parce que c'est un trouble de regard aussi. Et en fait, ça, il ne savait pas encore. En tout cas, il ne l'a pas développé tout de suite. Il l'a développé après. Lui, ce qui est arrivé, c'est l'artifice, si vous voulez, de transformer quelque chose. Vous savez, les effets spéciaux aujourd'hui transforment tout. Vous effacez une image, vous montrez un visage, vous pouvez changer de chose. Mais le faire d'une façon physique, c'est éprouvant. Parce que Molinier le faisait de façon éprouvante. Parce que c'est pas simplement s'habiller. D'abord, il était très mince, il était petit. Voilà, mais c'est une épreuve. C'est un peu, si vous voulez. C'est une mise en scène de lui-même qui demandait beaucoup d'efforts. Donc le sujet, il est là. Mais après, ce qu'il a transformé avec ça, c'est finalement c'est d'arriver à mélanger des corps, finalement, autour de ça. Après, le problème de Molinier, c'est ça peut-être le plus terrible, c'est que sa mort, son suicide, c'est autour du fait que il ne pouvait plus continuer ses performances, parce que ce sont des performances aussi, et qu'il n'avait plus la capacité physique de les faire, et qu'il souffrait aussi de problèmes de santé. Mais jusque-là, bah, vous avez vu défiler tout le monde. Et alors, on venait là par curiosité, c'était un objet de foi chez Molinier. C'était pas très sincère. Par contre, pour aller chez lui, il y avait un rituel, si, je vous l'accorde. Il y avait un rituel, il fallait sonner deux fois, il y avait une clochette. Alors, les gens qui connaissaient, parce qu'il aimait les chats. Alors, ces chats, moi j'ai interviewé une fois quelqu'un qui a fait ce film sur France 3, vous savez, les musées, c'était l'émission des musées nationaux. c'était autour de. Il était venu filmer un personnage à Bordeaux. Il y avait l'époque de Bouixou, vous connaissez, Jean-Pierre Bouixou, qui avait réalisé un film avec Molinier, Satan prochain coin. Pas besoin de commentaires. D'autres qui, à Bordeaux, étaient très, très engagés, comme Antoine des Beaux-Arts, qui faisait fait dans les règles, vous voyez, des sujets comme ça du cinéma, ce qu'on appelle du cinéma différent. Et là, elle était venue filmer pour les musées, elle m'a raconté, elle m'a dit, je me lavais les mains, si vous saviez, on était un peu, écoutez, bon, etc., parisienne. Avec son équipe, est arrivé filmé chez Molinier dans l'atelier qui était rétréci. Parce que vous voyez, l'atelier qu'avait Molinier quand il avait sa famille, c'était un grand atelier, quartier Saint-Pierre. Et quand il a vécu tout seul, c'était un atelier, chambre, appartement, toute sorte de gravité, c'est lui, autour de lui-même. Et ses poupées, ses personnages. Et là, elle filmait, il avait des préservatifs qui étaient accrochés. Je ne vous dis pas qu'ils étaient vierges. Ils étaient accrochés sur des passes à linge. Et alors, ils disaient, mes chats raffolent de ça. Alors elle était là, complètement paniquée avec le cadre. Dans le truc, elle me raconte ça, elle me dit, vous savez, je me lavais les mains toutes les 5 minutes. Et alors, et il était en même temps comme un gamin. C'est-à-dire qu'il se livrait sans complaisance. Et il disait, il est arrivé d'ailleurs masqué, d'ailleurs, il y a une archive là-dessus qui est très intéressante. Et finalement, il se prêtait au jeu très très bien. Il fallait de la confiance, hein, parce qu'autrement, si on le trahissait, il était capable de prendre un fusil. Hein. Il a d'ailleurs tiré sur les toits de Bordeaux. Vous savez, il y avait un commerçant qui est à côté de la rue Saint-Pierre, là où il habitait, Neymar. Maintenant, je crois qu'il a fermé. C'est intéressant, hein, Neymar. Il était là, il allait acheter pour ses chats, des boîtes pour ses chats, parce que ses chats comptaient par-dessus tout. Et il se mettait sur le toit, un jour, il y a eu un peu de bazar, il avait tiré au fusil. Attention, il rigolait pas. Hein. Donc il y a eu beaucoup de problèmes avec la police venait quelquefois pour le reprendre. Et il y a un autre personnage qui était juste sur la place Saint-Pierre. Alors là, c'est la personne qui a ouvert. Elle roulait en moto, elle est chez Molinier, elle posait pour Molinier. Cécile. Vous voyez de qui je veux parler. Alors Cécile, ouais, je raconte ça parce que je ne sais pas votre âge, vous avez quel âge? 28. Ben voilà, c'est intéressant parce que quand on est entre 25 et 28, c'est un sujet intéressant. Alors Cécile avait acheté, elle venait en moto, alors elle était Amazon complète, hein. Elle arrivait en moto, elle aimait les chats, Molly aimait les chats, ils se sont rencontrés comme ça. Bref, elle a posé pour lui, bilan d'opération. Elle a monté un magasin de fripes, quartier Saint-Pierre, donc sur la place Saint-Pierre. Je crois que maintenant, c'est, je ne sais plus si ça s'en doutait ou autre chose. Et chez Molinier, elle disait, alors, comment je vais appeler, et alors vous connaissez évidemment le titre, comment je vais appeler ce magasin? Le corset qui tue. Voilà. Le corset, c'est Molinier, avec Molinier, a discuté ça avec Molinier, et Molinier a dit, et ils ont dit tous les deux, mais le corset qui tue. Alors pourquoi? Parce que elle, alors j'ai eu au téléphone, mais bon, aujourd'hui, je ne sais pas si elle peut parler de ça, si elle était ici, ça serait drôle. En fin de compte, elle a eu une histoire amoureuse, une aventure. Vous voyez, avec cuir, etc., avec un homme, il est mort dans ses bras, crise cardiaque. Elle avait un corset. Vous voyez la légende. Et c'est pour ça qu'ils ont raconté. Alors, si vous voulez, il y a des choses qui rejoignent la dramaturgie, parce que le personnage est aussi intéressant dans son œuvre que dans ce qu'il est dans la vie, parce qu'il est, authentique. Et dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il peut être au foutre dehors. D'ailleurs, Chabon est venu chez lui. Il est foutu dehors. À l'époque, je vais vous raconter, c'est Bouilly qui m'a raconté ça. Alors, je n'ai pas été vérifié, hein. L'exactitude de scientifique sur le sujet. Mais si vous voulez, voilà le personnage, haut en couleur, mais intéressant. Mais justement, pour revenir un petit peu du coup, au corset et tout ça, donc à l'aspect un peu costume de Pierre Molinier, est-ce que, Aurélie, tu pourrais nous dire un peu s'il y avait des vêtements, en tout cas des objets peut-être qui revenaient tout le temps dans le travail de Molinier et qui du coup participaient aussi à cette codification de ses œuvres. Et après j'aimerais bien entendre une rumeur sur du coup aussi le peut-être que tu peux parler aussi d'un rituel de création d'une persona, de tout ça. Alors, j'en ai mis aujourd'hui, hein, je fais exprès, donc les barésies, bien évidemment, parce que voilà les barésies qui mettaient en valeur les jambes des femmes. Et voilà, ces jambes dont il était, comme on disait, obsédé par les jambes des femmes, il était fétichiste, évidemment, voyeuriste. Il disait aussi que il fabulait beaucoup, il racontait beaucoup, il narrait beaucoup son histoire, qui n'était pas forcément vraie. Où il disait que quand il était gamin, sa mère était couturière. Oui. Ouais, et il était constamment sous les jupes des femmes, il regardait les jambes, il était fasciné. Oui. Voilà. Et il touchait, il palpait, et après, pareil, il a. Il a éjaculé sur les jambes de sa sœur morte. Voilà, il y a tout un lien avec. Mais c'est ce qu'il disait. Oui. Ce qu'il racontait. Après, bien évidemment, les corsets, les cravaches, ben voilà, tout l'appareillage, on va dire, fétichiste. Et ensuite aussi, ben, on va dire aussi les godes aussi. C'était fabriqué aussi des chaussures godes et ils s'enculaient eux-mêmes. Donc, plein d'objets différents, de plaisir, de séduction liée à la sexualité. Les masques aussi, peut-être. Les masques, oui, bien sûr, ouais, les masques de poupée, ouais. Où en fait, ils se travestissaient donc en femme, à peu près homme, enfin androgyne, on peut dire, et ils revêtissaient ensuite ces masques de poupée qui masquaient encore une fois, enfin, ils mettaient une grille de résille, et ensuite ils faisaient ces bouts de montage et découpaient tous ces corps. Voilà, être l'homme tout en étant soi-même. Et les talons aiguilles aussi. Les talons aiguilles étaient très importants. Parce qu'elle a mangé les jambes. Bien sûr. Voilà. Ouais. Oui, non, mais je repense à ce que vous dites aussi, être l'autre tout en restant soi-même. C'est vraiment cette idée aussi de, je pense, de personnage, de persona, du coup, drague. Ouais. Et du coup, Mélanie, est-ce que tu peux nous en dire toi parce que je pense que Pierre Molinier était peut-être, avait un petit peu amorcé aussi un travail de drague, qu'on n'appelait pas comme ça forcément oui, à l'époque. Et, du coup, est-ce que toi, tu peux. Sur la question de l'extension de soi-même, mm-hmm. je dirais que il y a des dragues dans la salle, donc elles pourront peut-être en parler aussi, mais je dirais que en fait ça dépend de la personne. Certaines dragues considèrent que le persona est un individu à part. Moi je considère plus que c'est une extension de soi, que finalement Murmure du coup me permet d'être ce que Alban ne pourrait pas forcément être. Dans la vie de tous les jours. En termes de rituels ou d'apparat vestimentaire, pareil, encore une fois, il y a beaucoup de drags, dites drag queens, qui vont porter des corsets, des talons, des collants, ce qu'on appelle des paddings, donc la mousse, du rembourrage, exactement, pour transformer la forme du corps. Moi, c'est vrai que c'est pas dans mes rituels, entre guillemets, c'est pas ce par quoi je suis attiré. Mm-hmm. C'est vrai que j'aime bien jouer sur la question, on revient sur Jamaline finalement, mais sur l'ambiguïté justement, de la féminité, de la masculinité, voire même la question du genre, voire même la question de est-ce que ce personnage est humain. Justement, j'aime bien me définir comme créature drague parce que. Finalement, mes références sont plus de l'ordre du fantastique, de l'irréel, du surnaturel, comme Pierre-Antoine a pu dire précédemment. Et est-ce que tu peux parler de créatures? Il y a un catalogue qui s'appelle Le chaman et ses créatures, parce qu'il a inventé ces créatures. Moi, j'ai beaucoup travaillé, comme on disait, sur le corps monstrueux, mais c'est plutôt sur cet assemblage. On pourrait le comparer aussi à Hans Bellmer avec la poupée. Étant donné qu'Hans Bellmer a fabriqué la poupée, et lui aussi donc, la mettait en scène d'une manière voyeuriste, fétichiste. Donc une sculpture qui était amovible, qui était donc toutes les articulations étaient faites de rotules, et il pouvait monter la poupée comme il voulait. Donc une créature est pleine de jambes, à la manière de Pierre Molinier, lui découpé. Voilà, on est sur un corps qui n'est plus un corps habituel, et, mais qui permet aussi donc, complètement fabulé d'assouvir ses fantasmes, tout simplement. Et est-ce que tu pourrais nous dire comment, quel a peut-être été tes débuts en tout cas en tant que. Est-ce que par exemple tu pourrais dater ou pas du tout? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a lancé dans cette aventure-là du drag? Est-ce que. Je sais pas, tout s'est venu? Alors la première fois la première fois que Murmure est sorti, c'était le 2 novembre 2019, mm-hmm. donc bientôt l'anniversaire finalement. et c'était à l'occasion d'un gala à Darwin, où en fait il y avait tout un défilé avec des gagnants, etc. Et en fait, moi ça faisait 2 mois, je dirais, que je vagabondais dans les bars là où se passaient les drag shows finalement. Et j'étais pourquoi pas moi? Et puis je me suis lancé une semaine après, et ensuite un concours, les Drag Games, une semaine après encore, etc. etc. Et finalement, je sortais dans les drag shows toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, et c'était devenu un peu une routine, et en même temps quelque chose qui me fascinait, même si je connaissais le drag auparavant, notamment avec l'émission ultra populaire RuPaul's Drag Race, émission américaine. Et puis finalement, de découvrir que c'était pas. c'était pas qu'un univers américain, qu'il y avait aussi cet univers en France, et notamment à Bordeaux. On peut imaginer que, c'est que le drag n'existe que dans les capitales, par exemple, dans les plus grandes villes. Je me suis dit, ok, je... Très bien, c'est moi et je participe et voilà. C'est vrai que par rapport à cette idée de créature aussi, et en lien avec Carmonie, parce qu'à Bordeaux, dans les performances drag qu'on peut voir, il y a quand même quelque chose d'assez différent, je trouve, que de par exemple, tu parlais des capitales, ou même des États-Unis et donc de l'émission RuPaul's Drag Race. À Bordeaux, il y a quelque chose d'un petit peu plus fluide, je dirais. Alors, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, il y a une fluidité justement dans le travestissement, en tout cas dans le drag, qui n'est pas forcément lié du coup à une idée très glamour de la drag queen et du drag en général. Et donc c'est vrai que Pierre-Antoine, tout à l'heure tu parlais de créature, tu l'as un petit peu défini rapidement, mais toi tu te revendiques davantage de la créature que de la drag queen. Mm-hmm. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence et donc, enfin voilà, pourquoi créature? Et est-ce que Pierre Molinier, finalement, on peut considérer que c'était aussi une des premières créatures bordelaises, du coup, et donc qui a initié un petit peu cette différence? Enfin, je trouve qu'à Bordeaux, en tout cas, moi je dénotais une différence dans la façon de faire du drag. Mais c'est vrai que je suis un peu d'accord avec ça. Je trouve qu'à Bordeaux, il y a une sorte d'affranchissement des codes, entre guillemets, plutôt binaires du genre qu'on retrouve dans le drag, finalement, puisque le drag est une exagération du genre, on joue le genre, finalement. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, il y a peut-être une diversité de genres qui se sont créés, ou de personas drag qui se sont créés, qui ne sont pas forcément liés sur cette notion du genre, justement. Après, pour le terme créature, moi j'aime beaucoup ce terme, comme je disais, parce que en fait, le mot créature ne fait pas référence au genre, je trouve, et aussi ne fait même pas référence à l'humain spécifiquement, donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce terme. Après, c'est aussi un terme qu'on utilise beaucoup justement pour parler des drags de la communauté sans justement utiliser un terme genré, sans justement avoir à lister tous les types de drag, king, queen, queer, etc. etc. Ok. Et par rapport à la mise en scène, tout à l'heure, vous disiez, Dominique Blanc, qu'il y avait une forme de mise en scène quand même dans la façon dont Pierre Molinier crée ses photographies, ses photomontages, avec du coup l'intervention d'un paravent. Et là, je fais un petit peu le lien aussi avec l'exposition de Mary Lévis, donc avec ses golden showers, comme il dit, où dans le cadre de ses costumes, un fond. C'est le cas aussi pour les photographies de Mary Lévis qui sont exposées, où il y a aussi cette idée de Golden Shower. Et donc, ce paravent qu'il utilisait, qui est pratiquement dans toutes ses photographies, je crois. Et dans l'idée de mise en scène, de performance, du coup, ça allait au-delà de l'œuvre fixe. Je crois que la question de Molinier, c'est la question quand même de l'art. C'est pas une question simplement d'être fétichiste ou d'être transformiste, parce que ça pourrait s'arrêter là, mais c'est pas le sujet. Vraiment, le moment où Molinier bascule de façon spéculaire devant ce miroir, devant l'œuf, oui, c'est en blond, vous savez, c'est pas le miroir des chimères, c'est un miroir où... il se désire parce que c'est un autre être qui est en lui et il sait que c'est lui. Donc ça, c'est extraordinaire. Et il en fait quelque chose qui, sur un domaine qui est plastique, celui-là, artisanal, c'est-à-dire avec des ciseaux, avec des choses très intéressantes parce qu'il a une chambre noire. Vous voyez, à une époque où, c'est pas le numérique, mais il y avait les boîtiers 24-36, etc. Il avait une chambre noire à l'ancienne, c'est-à-dire à l'envers. Cette chambre noire... dans un atelier où, effectivement, le paravent, c'est parce qu'il y a autre chose, il faut séparer les pièces. C'est quand même aussi ça. Il y a l'étoile de Jouy, toile de Jouy, vous voyez ça plus beaucoup dans les lieux, dans les appartements aujourd'hui. La toile de Jouy, c'est en train de revenir. Hein, bon. Mais vous voyez, c'est la toile de Jouy, d'un côté très classique. Et il utilise ça, finalement, et il photographie. Et ensuite, il fait, avec la mine de plomb, il reprend, vous voyez, des photos qui ont été des tirages. Il fait ce qu'on appelle, au fond, noir et blanc, parce que c'est noir et blanc, de la jambe avec le fond qui est derrière. On introduit quelque chose, on refotographie. Ce sont des étapes, c'est un plasticien. C'est pas autre chose. Et c'est là que ça commence à être intéressant. C'est que là, au final, ça n'est pas simplement la question de la représentation, simplement dire, voilà, je vais vous sortir une image qui est une image érotique. Non, c'est une image qui évidemment, combine. Et il se fout royalement de savoir quels sont... D'ailleurs, il y a un sujet qui... Alors là, on revient au côté plus en fait de la... ce qui est Molinier dans le transvestisme fétichiste, c'était un fétichisme. Molinier se décrit quand il a donc donné, sa fille m'a raconté ça, je vais donner mon corps à la science. Et à Bordeaux, c'était à côté de la Victoire. Je vais donner mon corps à la science et je veux qu'on me découpe. Et surtout, je veux qu'on voit mes ongles peints en rouge. Parce qu'il dit, je vais rigoler quand ils vont voir ça, parce qu'ils savaient quels étaient le conformisme, vous voyez, de la société. C'est un sujet important qui l'obsédait quand même. Ce conformisme et le fait de les ongles peints en rouge sur un canapé découpé, c'était quand même quelque chose où il avait, on a dit ça à une époque, c'était le néantisme chez lui, c'est finalement, c'est pas religieux. Surtout pas. C'est quelqu'un qui, sa pensée après la mort, c'est dire se voir découper, ça l'amuse. Mmh, mais se dire que je vais me retrouver avec celles et ceux avec qui j'étais dans ma vie, etc., c'est un peu ça, ça l'intéresse beaucoup plus. Donc c'est vrai qu'on franchit une étape où si vous arrivez chez lui, j'avais connu certains ou certaines qui sont allés chez lui, pas très à l'aise, à un moment donné, c'est que, bon, il disait, bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Et là, mais ce n'était pas le but. Le but, c'était d'en faire quelque chose. C'était avant tout. Et si vous laissez le petit artisanat, au Bordeaux, c'est ça, moi, je la pensée de Bordeaux, c'est pour ça que je ne me suis pas tu sais mieux que tout le monde, mais de Bordeaux, parce que c'est une, comme on dit, Bordeaux, c'est une ville, les Bordelais sont tiraillés entre l'irrésistible et le paraître, la nécessité de dissimuler. Ça, c'est le sujet un peu classique, mais quand même, c'est un peu ça. Et c'est vrai qu'il en a souffert. Il a souffert quand Bernadette Aubin est venue chez lui parce qu'elle savait où se réfugier. Elle faisait du striptease à Bordeaux, après elle faisait des cartes anciennes. Mais ce n'était pas évident à l'époque. Il fallait se planquer parce que les mœurs étaient là, ils ramassaient. Et chez Monnier, c'était un refuge. Donc toutes ces questions tournent quand même autour. La question centrale, c'est Monnier. Il gratte ses photos, il découpe, il photographie, il refotographie. Vous voyez, il ajoute d'autres éléments dedans. C'est un plasticien dans un environnement qui est très petit. Très peu de gens, son travail n'est pas beaucoup acheté. Chez Breton, chez tout le monde, son travail, c'est pas ça. Ça amuse tout le monde, évidemment. Il y a eu des publications de Pauvert, il y a eu beaucoup de publications de Molinier. Mais finalement, Molinier, quand il raconte, et c'est vrai, à Breton, j'ai repris ça dans ses lettres chez François, il m'a dit oui. Tu peux y aller. Il écrit quand même à Breton. Je gagne rien. Il n'avait pas de fric. Il était à Bordeaux. Il gagnait rien du tout. Il était à la retraite de peintre en bâtiment. Il se retrouve à Bordeaux. Il vivait chichement. Et il dit, je vais monter un bordel. Ben, il achète le quai Carrier, vous voyez, de l'autre côté, là, du côté de Lormont. Il achète effectivement un endroit, c'est le Paris-Texas. Il m'est arrivé une histoire incroyable, deux histoires incroyables. Je vous dis, c'est parce que c'est bizarre, c'est intéressant de m'en pour ça. Je me prends le quai Carrier, je faisais l'enquête pour préparer le film. J'arrive dans le truc, Et Joaquin Carrier, alors, c'était Paris, Texas. Ben, ça ne se fait plus Paris, Texas, évidemment. Alors moi, je cherchais, je voyais une boîte. Je ne blague pas, Victor Victoria. C'est ça, c'est bien. Donc, j'ai dit, bon, je me pointe, je rentre, la tôlière était au bar, elle dit champagne, etc. Je dis, attendez, je viens lui donner des renseignements. Elle dit, consommer, etc. Bon, je prends un whisky, après, je dis, quand je rentrais, je prends le truc, et puis je discute avec elle. Je lui dis, mais est-ce que vous savez, ici, si c'était, à une époque, le Texas Bar, voilà, j'ai les photos, elle me regarde, stop, j'ai cherché la tôlière. Tolière arrive. Bon, c'était un bar lesbien, mais enfin, on ne raconte pas l'activité économique du RAV. Mais ce qui était intéressant, revient, la tolière dit comment ? Est-ce qu'on me raconte ? On discute, elle me dit je ressens quelque chose. On commence à discuter, et là, elle commence à me regarder. Elle me dit oui, ici, c'est une vitrine, j'ai commencé là. C'était avec les Américains, les marins américains, après la libération, vous voyez ? Il y avait beaucoup d'activités américaines. Elle dit, j'ai commencé ici. Et effectivement, Molinier a acheté. Effectivement, il a vendu, hein, mm-hmm. parce qu'il ne s'en rapportait pas. Et quand il écrit à Breton, en désespoir de cause, Breton écrit, il répond jamais. C'est Breton. Si vous voulez, on va sur ce terrain-là. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un avocat à Bordeaux qui était le bâtonnier. Il ne répondait plus, hein. Parce que Molinier, il y allait carrément. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'avait pas de retenue par rapport au sujet qu'il voulait aborder. Il y allait. Finalement, il a vendu le truc. Il y a des peintures qui ont été confisquées parce qu'il voulait ramasser derrière. Ça, c'est la première chose. Une autre fois, j'étais avec Françoise Molinier, me dit, Dominique, on prépare un film là-dessus, ok. Je suis invité pour l'anniversaire de mon père. Alors, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle possède la maison de Molinier aujourd'hui. Donc, vous voyez, rue des Fossés. Mm-hmm. Et le soir, on va chez Bigoudi. Enfin, si, pour ceux qui connaissent le truc, Bigoudi, restaurant en face. Et on va dîner pour l'anniversaire de Molinier. Ok. Vous pensez bien que moi, tout était sorti de ma tête, etc. Et on dit à la fin, on a une invitation. Et celui qui est propriétaire en face, donc il est faussé chez Molinier, il j'ai racheté des appartements, j'ai fait, etc. On rentre dans le truc, avec François Molinier, la fille de Molinier, on rentre dans le truc, coup de pétard de mon temps. On arrive au bout de. Vous voyez, si vous allez dans cet endroit, vous avez un escalier, les escaliers de Bordeaux, vous savez, très beaux escaliers d'ailleurs, et j'ai une créature, alors je suis obligé de dire ça, j'ai une créature. Qui est avec deux miroirs, qui était habillé avec tout l'attirail, qui se présente avec un candélabre. Eh bien, écoutez, le proprio du truc nous a amené dans les étages, jusque dans les appartements où ils avaient reconstitué la ICJ, Pierre Molinier, etc. Inutile de PPL, inutile de pleurer pour lui, etc. C'est le truc. Avec la tombe de Molinier, et on rentre dans l'appartement. Je me suis dit, quand même, il faut le faire. À Bordeaux, un truc comme ça, on fait ça le soir, vous voyez. Deux créatures. Moi, je dis deux créatures parce qu'elles étaient là, on leur avait demandé de faire le job. Bon. Et c'était curieux parce que vous avez un autre versant de Bordeaux, c'est encore une fois, c'est toujours. Amusant, c'est un autre versant de Bordeaux, on ne connaît pas toujours, mais on se retrouve avec des situations de cette nature. Pour revenir à notre histoire, je suis à parallélisme, c'est que la tôlière qui m'avait reçu avant que je prépare le film, finalement, au moment où je tourne, était en tôle pour proxénétisme. Ils ont fermé le truc. Et j'allais quand même poser la question, pourquoi vous avez appelé Victor Victoria ? Et elle, c'est elle qui me dit, mais vous savez, je comprends pas, on l'a appelé comme ça. Mais je comprends, les clients ne comprennent pas. Je dis, vous avez vu le film de Black Edward, c'est intéressant, Victor Victoria. Ah oui, mais nous, on va changer le nom parce que ça ne va pas. Mais vous voyez comment le Paris Texas devient Victor Victoria. Ah, bon, par rapport à cette idée du coup de créature chez Molinier, notamment je pense à l'œuvre le chaman, je crois, la photo, ou en tout cas moi quand je l'ai vue, donc il porte un masque, Molinier sur cette photo, mais en fait la lumière est telle, en tout cas la disposition est telle qu'on a presque l'impression d'avoir un, alors, je dirais comme un alien en tout cas, comme une créature, parce qu'il y a vraiment les yeux sont, oui. sont blancs, enfin en tout cas sur la photo c'est ce qui ressort. Et donc, par rapport à cette idée du chaman. Oui, le chaman, oui. Comme on disait tout à l'heure, il était très ancré dans la religion indienne, les dieux indiens, etc. Et voilà, il s'incarnait en chaman. Le chaman, on sait ce que c'est maintenant, le chaman, on en parle beaucoup. Et là, pour lui, c'était un peu le maître de ces créatures. Une créature aussi, quand il se transformait. Donc cette photographie que tu décris, donc il est donc transformé, corsé, parésite. Alors lui, ce masque noir où les yeux ont été gommés, on va dire, grâce au découpage, au gommage, aux manipulations manuelles qui ont ensuite été photographiées. Et à l'arrière aussi une lumière en fait qui le magnifie ce corps. Et en même temps, c'est toujours cette notion d'androgynie où on ne voit pas son sexe, qui, voilà, c'était comment le chaman maintenant, c'est quelqu'un qui se connecte avec les esprits, qui va faire voilà des incantations. On parlait de la religion, donc hindouiste, etc. On pense aussi à la déesse Kali, avec tous ses bras, qui est dans le Bardotodol, c'est le livre des morts indiens, qui va sur les cadavres et elle va assembler, voir tous ses membres qui vont se mettre sur elle et qui lui permettent d'avoir tous ses bras. Et donc les forces de Molinier sont tout à fait en accord avec ses croyances, ce qu'il avait, ses centres d'intérêt. Mais après, oui, un alien, moi je suis tout à fait d'accord, alors alien entre guillemets, oui, oui. Mais oui, il était complètement magnifié et il se déifiait quelque part, quand il incarnait le chaman. Mmh. Oui, forcément du corps aussi, ouais. Pour recréer notre identité. Je ne sais pas, après peut-être que certains ont des questions à... Certains ont des questions aussi à poser ou pas. Oui, moi je vais faire une remarque. C'est par rapport à la démarche artistique de Pierre Molinier. Mais pour moi, j'ai fait une démarche de transition et je pense que je connais un peu les processus, les critiques, par exemple, de la psychiatrie. Et je ne sais plus si c'est le cas maintenant, mais il y a quelques années, quand il voulait ne pas accompagner une personne transgenre, il disait, non, ça c'est une personne travestie, fétichiste, c'est-à-dire que c'était autant centré sur la sexualité, mais pas sur un désir d'identité, de vivre... en tant que dans un genre féminin, ou maintenant, on pourrait aussi dire, dans un genre non-binaire. Mais je pense que... Bon, donc, Pierre Molinier, la période où il a fait toutes ses expériences, c'était dans les années 60, il était peut-être un peu seul, il fréquentait peut-être pas d'autres personnes un peu dans son style, je sais pas. Non. Oui, c'est un objet de curiosité, un objet aussi, comme on disait, comme on disait tout à l'heure, c'était un peu aussi dire un monstre de foire qu'on venait visiter, parce qu'on savait ses mœurs, on savait. Et donc c'est comme aussi, il était exilé chez Barnum, mais il y a toujours ce problème-là, bien sûr, quand on a la marge entre les deux sexes, entre les deux, voilà, c'est. Excusez-moi, c'est peut-être oui. Un peu plus que ça. Oui, allez-y. Parce que je pense que les personnes avec qui il côtoyait, qui venaient dans son front, à l'aide, entre autres, oui. Je veux dire qu'il y avait quand même un double. Oui, oui. Et donc, dans ces photos de montage, c'est pas non plus n'importe quel modèle quoi, qui mettait en scène. Ouais. Il y a Thierry Agulot aussi. Enfin, il y a plein de gens qui gravitaient autour de lui, c'était pas juste. Ah non, non, bien sûr, allez, il y avait des visiteurs, il y avait ce déjà, modèle, oui, je pense que ça devait être compliqué, hein, pas si simple d'aller chez lui. Enfin, moi je suis un peu fasciné par son œuvre depuis pas si longtemps que ça, en fait, depuis 97. Je suis arrivé à Bordeaux en 94, et on m'a fait découvrir Molinier. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment, en mettant un petit peu en scène aussi, en créant trois événements, le jour de son anniversaire, vendredi 13 avril, en 2001, 2006, et puis en 2012, après j'ai... Et on découvre Molinier, et c'est ça qui... Dans Bordeaux, c'est vrai que c'est compliqué. Oui. Moi, j'ai l'impression que, en fait, c'est quand même quelqu'un qui dérangeait, et qui dérange encore maintenant. Bien sûr. C'est un truc de fou, parce qu'en 2000, bientôt 22, on en est encore... Puis la petite place qu'il a, quand on lui a consacrée, franchement, c'est vraiment... ils n'ont pas trouvé mieux que de le placer à côté de Saint-Michel, plutôt Saint-Pierre. Il est toujours un artiste. Ah, voilà, c'est vraiment. Et puis même, il y a même des histoires encore qui, par jalousie, par conquête, par des conquêtes qu'il a pu avoir au milieu bordelais. Ce qui dérangeait, c'est tout. C'est vraiment quelqu'un qui. Après, c'est vrai qu'il y a ses peintures. Ses peintures, moi, je trouve que c'est quand même des peintures qui sont quand même intéressantes. En 2005, ils ont fait l'expo au Musée des Beaux-Arts. Mmh. D'ailleurs, tous ces accessoires qui composaient aussi par rapport au photomontage, on n'a pas voulu qu'il y soit. Enfin, c'est un codiché, tous ces accessoires qui servaient quand même à une mise en scène, on n'a pas voulu les montrer. Hein. Ça a été un peu... L'exposition a failli être censurée aussi. Il y a eu très peu d'expositions. Voilà, il y a eu cette exposition Jeu des miroirs. Il y a eu quelques pièces l'année dernière en frac, il y a trois photos. Voilà, il y a ici. Et après, les expositions se font en dehors de Bordeaux, à Paris. Mais... Oui, peut-être Paris, Pompidou, quand il y a des bords. Effectivement, l'histoire de la chambre, parce que la chambre de Molinier constituée, c'est un sujet en soi, parce que c'est là que l'immersion se fait. Quand on comprend quels sont ces objets, tous ces objets qui, de son col, en passant par tout ce qui entoure, était quand même son univers très important. Et effectivement, ça n'a pas été. Et je suis bien placé parce qu'à l'époque, j'avais été contacté par la ville de Bordeaux pour l'exposition qui s'était à Bordeaux, et ça avait été effacé. Alors, et c'est vrai qu'il y a des peintures de Molinier. Alors, je ne vous dis pas parce que Molinier travaillait à l'ancienne. Moi, je fais les Beaux-Arts. Hein. De technique de temps en temps, c'est que Molière connaissait l'art du Porto Santo, il s'intéressait beaucoup à ça, il aimait beaucoup de. Si vous voulez, enfin, il faut aller à sa bibliothèque pour comprendre, et tout ce qui appartient à la peinture classique l'intéressait. Bon. Donc les glacis, etc. Les glacis, Quattro Cento, on fait ça de on prend du blanc d'œuf, etc., lui, avec son sperme. Il intégrait ça dans un certain nombre de peintures. Dont celle d'Emmanuel Arsan, que j'ai été voir. Une fois, j'étais à Bayonne pour la voir, parce que le collectionneur qui cache ça bien, mais intéressant, je suis d'accord. Des verres assez bronze, des choses assez sourdes, des choses en profondeur, des glaciers, effectivement. Vous savez, l'histoire, vous mettez un bleu et un jaune, vous faites un vert, hein, en profondeur. Il aimait beaucoup ça. Il aimait beaucoup ça. Mais c'est vrai qu'il a touché les limites, parce que certains qui ont connu très très bien, qui sont des dessinateurs. Il avait des limites au niveau technique, je parle de pictural, c'était pas quelqu'un d'essayer. En fait, il a trouvé très vite les limites, il a voulu dépasser ses limites, et la photographie l'a sorti de ça. Ça, c'est un sujet très intéressant, parce qu'il a compris à un moment donné, dans les années 64, comment il allait au bout, mais la peinture ne suffisait plus, finalement. C'était un sujet qui Et donc, les photomontages ont été vraiment une résurrection à ce moment-là. Et c'est là où, je dis, il y a un malentendu chez beaucoup de gens. Je ne veux pas dire que la peinture n'est pas intéressante de Monet, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand même, si vous regardez ce qu'il a fait avec la période expressionniste, etc., 48, vous regardez ses portraits avec les fleurs, etc., bon, et puis vous arrivez à ces photomontages. En fait, sur le sujet des photomontages, il y a un sujet qui est très, très profond. Et c'est pour ça que Bordeaux, alors effectivement, il y a peut-être une compréhension sur cette question de l'atelier qui a été reconstituée chez Camille Mignot à Paris, parce que Françoise Molinier a dit, voilà, tous les meubles, je les donne, on reconstitue la chambre de Molinier. Voilà. Et moi, quand j'ai pris le sujet, je me suis intéressé à voir avec Françoise Molinier qu'elle a découvert le corps. Qu'est-ce qui était là, quel objet était là, qu'est-ce qui était dans un endroit qui faisait pas plus de 70 mètres carrés. Et pour le côté un peu cru, ces Moliniers arrivés, vous savez, vous avez une chambre noire, vous avez un révélateur, vous avez les bacs de révélateur, et vous arrivez pour faire le tirage, il avait une lumière rouge, c'était dans sa cuisine. Vous voyez, il se faisait cuire parce qu'il y avait des problèmes de foie, etc. Il se faisait cuire des. Et le soir des légumes, etc., les artichauts, il souffrait de ça dans ces dernières années. Et en même temps, il y avait ses bacs, et alors il était auteur, il est marqué, auteur poitrine, auteur couille. Voilà, je vous dis, si vous voulez rentrer dans le chemin de ces créatures, il connaissait le truc par cœur, parce que quand il a appris la technique, il connaissait toutes les techniques à la fois picturales, de dessin, la mine à plomb. Le fusain, etc., pour, vous voyez, pour arriver à gommer tout ce qu'il y a autour de ces photomontages, à en faire quelque chose, vous voyez, de photo sur photo, vous faites autre chose. Ça, c'est très intéressant, parce que c'est un mélange de son métier, à la fois de ses techniques de peintre, mais en même temps, c'est pas ça qu'il poursuivait. C'était au-delà de la technique, il a ses techniques à lui, ce sont des techniques très artisanales. Avec peu de choses, il fait des choses assez miraculeuses. Et c'est ça qu'on peut retenir. Quand on regarde, ce sont des petits formats, hein, mais quand on regarde ces photomontages, et je pense qu'il y a un ratage avec Bordeaux là-dessus, autour d'une grande exposition Molinier. Alors, vous connaissez l'histoire en 53, les indépendants, parce qu'ils faisaient partie des indépendants. Alors, les papes de Bordeaux, moi j'en connaissais un qui à l'époque faisait beaucoup de cheval, il ne faisait pas que ça, qui était copain avec Molinier. Et Molinier, il avait une garçonnière à Bordeaux, à côté de Gambetta, là. Et quand Molinier lui avait loué la piole, et Molinier venait juste, vous savez, avec, c'est le micheton, hein, il venait avec juste, il y avait la boue, vous savez, de pain, et puis il allait mater. L'autre amenait ses conquêtes. Voilà. Et Molinier aimait se marier avec ça. Et ce personnage raconte, enfin, c'est comme ça qu'on comprend un peu tout ce qu'il y a autour de Molinier. Molinier, finalement, vivait de manière très conformiste pendant la première moitié de sa vie. Après, il bascule, mais là, il y va. Il ne fait pas semblant. Il y va. Et là, si vous voulez, c'est pas à peu près. Quelqu'un, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est complètement entier dans sa vision des choses. Mais ce qui le dépasse, c'est là où ça devient, à mon sens, je n'ai pas raison là-dessus, je dis simplement, moi, comment j'avais reçu. C'est quelqu'un qui dépasse sa condition d'être humain dans un sujet qui pourrait être l'enfermement fétichiste autour de son atelier où les gens viennent, mais pas pour les mêmes raisons, l'instituer, mais aussi des gens très intéressants comme Annel, évidemment, mais pas que Annel, d'autres, qui étaient des proches, quelqu'un de très attachant humainement. Mais dans cet univers qui est dans ce centre de gravité à 360 degrés, le monde tourne autour de lui. Et finalement, et là, il fabrique quelque chose d'intéressant. Et là, le chaman, c'est un sorcier. Finalement, il n'est pas religieux, mais pour moi, il n'est pas religieux. Ah oui, il est athée, complètement. Hein. Alors là, il s'en fout, il ne faut pas venir raconter ça, parce qu'il y a un futural. Hein. Bon, c'est un sujet intéressant aussi, quand même, hein, aborder ça, de dire qu'il s'affranchit de toute considération, c'est plutôt la sorcellerie qui l'intéresse. Enfin, dans le sens que vous avez nommé, qui est très intéressant. Sur l'art tibétain, parce que c'était un vrai sujet, l'art tibétain, il y a eu des visites chez lui, et ça a été, c'était un sujet aussi sur, en fait, ce côté du sorcier qui fabrique tout et qui engendre quelque chose. Mais, encore une fois, la question du transformisme n'était pas une fin en soi. C'est le sujet, c'est au service de quoi ? Le service, c'est son œuvre, finalement. C'est ça, le sujet. Après, effectivement, le fétichisme, il comprend très vite dans sa vie que la question du fétichisme, ça mène où ? Et à un moment donné, on en souffre, parce qu'il ne peut pas renouveler, il ne peut pas recréer quelque chose à chaque fois de différent. Or, ce qui est intéressant, c'est son œuvre, finalement, ses photomontages qui montrent le mieux la trajectoire qui a été prise, et puis la trajectoire où il dit comme ça, mais mon corps, parce que l'intérêt, c'est deux choses. Pour moi, il y a deux choses. Il y a ses photomontages, mais il y a aussi son transformisme à lui. Ça, c'est très intéressant. Si on avait pu filmer, parce qu'il a bouxé un peu, mais la question de la transformation, finalement, humaine, d'être, on dit l'autre tout en étant soi-même, mais basculer vers ce personnage idéalisé, sublimé, ça, c'est tout un art. Et là, je dois dire qu'avec les moyens qu'il avait, dans l'espace qu'il avait, je dis moyens, mais c'est l'inventivité, la créativité qu'il a su amener dedans. Et ça, ça dépasse tout. Vous savez, le moment où vous effacez tout, vous arrivez à sublimer finalement votre personnage, mais être en même temps lui, être en même temps soi, l'objectif dépasse. Et je pense qu'il n'était plus dans la question de réfléchir à si j'ai ça. Non, c'était toujours poussé, en tous les cas, ce que on comprend de ceux qui en parlent le mieux, qui étaient à côté de lui, c'est de pousser toujours plus pour aller encore plus loin dans cette aventure qui, à un moment donné, où l'émotion, il n'y a plus de frontière, finalement. Mais il y a aussi, il y a un peu de rituel, mais le rituel, il ne pense pas comme un rituel. Il ritualise les choses parce qu'il les fait comme ça. C'est aussi une forme, c'est aussi du sujet d'anthropologie. On n'est pas dans un personnage qui va conceptualiser telle phase, alors je me prépare, je mets comme ça. Non, non, non, on y va. Et s'il y a un opportunisme de rencontre, il va faire de la même manière. Mais ce n'est pas ritualisé dans ce sens-là. C'est quand même une façon très profonde, me semble, hein, de penser, d'être, et il va jusqu'au bout. Et ça, c'est pas facile, hein, dans l'entièreté de son, à la fois de son art et en tous les cas de sa liberté. C'est un sujet qu'il a reçu, il en tous les cas. Il est bientôt 17h30. Oui. Merci pour cette table ronde. Murmure, est-ce que tu peux nous parler de la déambulation qui va se faire mais pour des raisons de météorologiques, exactement. Du coup, il devait y avoir une déambulation qui devait avoir lieu après. Malheureusement, ça n'aura pas lieu pour cause de pluie et de vent. Malheureusement, c'est les joies de l'automne. Voilà. Donc, désolé par avance. Mais on espère remettre ça pour une autre date, et pas forcément pour Halloween, mais prochainement. Donc, certains et certaines d'entre vous étaient venus pour ça, désolé d'avance. Merci beaucoup. Merci. Nous allons ouvrir un petit bar si vous voulez continuer à profiter de l'exposition et de parler avec certains intervenants. Voilà. Oui, ça va, oui. Je vais essayer de faire. Oui, ça va, mais c'est un peu d'armes de stressation. On va prendre la parole aussi en vrai. Non, mais c'est juste que voilà. J'ai oublié de... J'espère que vous n'avez pas dit des grossièretés sur l'enregistrement. Non, non, non. Non, je...